bandes sont des vrais pirates. Je suis ceux qui visent le but, je suis pas ceux qui rapent. J'ai côtoyé des potes, mais c'était des putes. Quand t'as l'oseille, ça suce comme les émirats. Non, faut pas trop parler, ça instruit les cons. Toi, tu suces pour qu'on t'avance 5,5 kg. Dès le matin, je me réveille, je regarde du balcon. Réveillé par le bruit, on a 4,5. Qui te rassis sur la chèvre en plein cagnard. Sous le soleil, pétard, assis à la pêche. Que des coups dans le dos comme des coups de poignard. Après chaque épreuve, dur de garder la pêche. Je m'en bats les coups de la race, fais pas de différence. Je suis toi, Renoir, gitan, des gaulés, Albi. Trop de putes, faut jamais fuir aux apparences. Si te calcules pas, c'est que t'es pas fait galbi. T'entends des choses sur moi, même pas tu t'es mis. T'es mon ennemi, soutiens avec mes ennemis. Je connais des mecs qui feraient des trucs de fou à visage découvert comme dans Public Enemy. Ne fais pas le mec qui brasse, tu tiens la sacoche. Et en plus, dans les cons que tu fais des trous. J'ai grandi avec des mecs, les ai jamais revus. Pour ton service, tu fais j't'envoie à la mort, pour du Versace. La mental quartier, tout est dispatché dans des petits sachets. Le visage caché, welcome dans la zone, ça pense qu'à palpérer gros montant. Même mental depuis le temps, profite du pas du bon temps. L'heure de gloire, ça envoie à la mort, pour du Versace. La mental quartier, tout est dispatché dans des petits sachets. Le visage caché, welcome dans la zone, ça pense qu'à palpérer des gros montants. Même mental depuis le temps, profite du pas du bon temps. L'heure de gloire, ne dure qu'un temps. Petit merdeux, il en a plus l'air. Au Pinel, ça vise la jugulaire. Pour te faire cracher la flanque du butin à la tenaille, ça te coupe l'auriculaire. Ça fait du sale normal sans scrupule. Ça te sert la mer, mais sous le pull. Des grosses caisses de billets qu'ils pensent manipuler alors que c'est l'oseille qui les manipule. Que des coups qui se pullent, j'en suis dégoûté. Le pouvoir, ouais, tout le monde veut s'accaparer. Quand je suis dans une galère, gros, dis-moi où t'es. Une fois qu'on appelle plein, je réapparais. Je m'en la faire confiance sur la défensive. Beaucoup font les voyous, c'est des plaisantins. Si je consomme l'abattage, je deviens trop pensif. Je pense à faire un empire comme les Byzantins. On va toujours de l'avant, on compose relève. Ça qui est pour son cul, quand on marche ou crève. Fracasser les grottes pour nous, c'est naturel. T'as rien fait maintenant, tu veux croquer, tu rêves. Cette condition, la capte, la supercherie. Pas de montant avec des loups dans la bergerie. Ils me regardent de travers dans les porcheries. 2-3-4 nouveaux porches dans la porcherie. La mort pour du Versace. La mental quartier, tout est dispatché dans des petits sachets. Le visage caché, welcome dans la zone, ça pense qu'à palper des gros montants. Même mental depuis le temps, profite du pas du bon temps. L'heure de gloire, ça revend à la mort pour du Versace. La mental quartier, tout est dispatché dans des petits sachets. Le visage caché, welcome dans la zone, ça pense qu'à palper des gros montants. Même mental depuis le temps, profite du pas du bon temps. L'heure de gloire, ne dure qu'un